je suis connecté à ma physique, technologie, n'essaie pas de me tester, tu te feras détester. Si on jette dans le garde, n'espère pas qu'on va te lester. Mon équipe au complet, la vodka est au frais. Sans les glaçons, glaçons, l'équipe peut me stopper. Mon flow est sans contrefaçon, c'est FI de Z qui m'écoute de toute façon. Je pourrais parler de Zeb, de cocaïne façon maison, mais faut pas déconner. Les commentaires vont trop vite, les commentaires vont aussi vite que ma bite dans ta bouche. Au lendemain d'une grosse cuite, dégage, prendre une douche. Cours aussi vite que tu peux si tu veux pas que je t'arrose. Dès que je t'aurai baisé, tu comprendras que mon amour est vrai rose. J'ai péta à la Uni son putain de flotte fouine. Je me suis saigné les tympans sur capitale du crime. J'envoie pas de dons au Japon, je préfère la Chine. Si je réponds pas à mon iPhone, c'est sûrement que je pline. Un rappeur blanc et français, on aura tout vu. Il manquerait plus que le FN passe pour nous la mettre dans le cul. J'essaye de faire court, je te ferai pas de discours. Mais si t'entends clic clic, dépêche-toi et cours. Certaines personnes voudraient ma tête, me faire payer ma dette. Pendant ce temps, je m'entête à faire des instrus qui pètent. Je parle au ralenti pour me faire comprendre. Je vais faire en sorte que toi et ta petite tête m'entendent. Micro chargé, FI, 2Z, défi, wheeling, à l'aise, en Z, sans fil, wifi, Bluetooth. Je suis connecté à ma fixe technologie. Les jaloux parlent, ça se concrétise. FI, 2Z, suce-moi le Mr. Freeze. Freeze, freeze, plus personne ne bouge. Il remixe de gris, j'appuie sur le bouton rouge. La machine est lancée, essaye de m'arrêter. Qui est Fizzy, compose 118, 212, 12, 12, 12 mèches dans la poche. Retourne ton tapelouse, regarde-moi passer en Porsche. Porsche, Porsche, je peux passer en force. Je crochète les claques, même si je suis pas en forme. Va voir ton dealer de son, dis-lui de se mettre à jour, y'a ta Fizzy production. Autodidacte, jusqu'au bout de la tub. Surveille ta meuf, je l'ai aperçu en scred sur YouTube. Z7 et demi, roue arrière, c'est Fizzy. Première pour te faire baver, je passe au ralenti. Fais-moi ta bande d'amis sur Facebook. J'espère que tu es chef, je suis du genre à porter le bouc. Génération Ayam la fouine, voilà ce que ça donne. Maintenant mets la gomme, mets la gomme. J'irai au bout de mes rêves, je saute les barrières. Fini mon verre de vodka, les frères. Ne parle pas, ta femme ne jouit pas. La vie ne te plaît pas, car mon album tu ne disposes pas. Micro chargé, FI, 2Z, défi. À l'aise, en Z, sans fil, wifi, Bluetooth, je suis connecté à ma physique technologie.